Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Etisez-vous. Etisez-vous, c'est le nouveau concept de cette saison 3 d'Etis de podcast dans lequel je reçois une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons. Soit qu'elle ait marqué cette période par son actualité, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant celle-ci, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des Etis. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans le cadre prestigieux du Don Camillo dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris et l'invité, comme le veut la tradition, va se présenter lui-même, donc nom, prénom, profession, date de naissance, s'il te plaît. Bonjour Frédéric, donc nom, prénom, Bouvet Éric, date de naissance 5 novembre 1972. Je travaille au sein d'un groupe de médias dans le domaine médical et de la santé, et donc j'ai un deuxième métier à mes heures perdues ou pas, ça dépend comment on l'entend, qui est illustrateur et peintre. Alors, bienvenue Éric. On va mettre de côté cette profession puisque on va pas du tout s'occuper de ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Nous, on est là pour parler des années 80. Les gens le savent certainement déjà, mais tu nous réalises des illustrations pour le site depuis donc le début de cette saison 3, donc depuis à peu près le mois de septembre, si je me rappelle bien, pour notre numéro sur Running Man. Oui, numéro de rentrée, Running Man, le prix du danger. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour te remercier et puis pour remercier toute l'équipe de Etis de podcast de m'avoir fait confiance pour ces illustrations. Alors, si je remets l'historique, parce qu'on va quand même prendre deux minutes pour en parler, notre collaboration part d'un commentaire que j'avais fait sur un de tes dessins de Goldorak, je crois, et où tu t'étais permis de me contacter en voyant qu'on avait un rapport avec les années 80, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler. Tu as beaucoup d'activités qui gravitent autour des années 80, mais pas que. Et donc, je me souviens de cet échange qu'on avait eu la première fois où tu me dis « Ah oui, content que ça te plaise. » Moi, je m'occupe donc de diverses choses sur les années 80. Et de fil en aiguille, on s'est dit « Pourquoi pas illustrer nos billets de podcast et donc de cadeaux bonus, donc des émissions, avec donc des thématiques années 80. » Alors, ce qui est intéressant dans notre collaboration, je trouve, c'est que on respecte chacun le travail de l'autre. Et j'aimerais que tu me dises un peu, toi, comment tu as vécu cette saison à illustrer nos articles au niveau gestion. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a obligé à creuser des thèmes que tu n'avais pas forcément l'occasion de travailler, ou qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est vrai que sur la partie dessin animé, non, j'ai pas eu trop de mal à creuser. Après, c'est plus une question d'organisation personnelle, parce qu'effectivement, comme tu le disais, j'ai d'autres choses à côté qui se greffent entre les expositions et mes diverses activités personnelles et puis le travail. Là où j'ai entamé une série où tu m'as fait un peu plus ramer, c'est effectivement sur peut-être plus les films où j'avais moins l'habitude. Il y en a eu quelques-uns, donc voilà, ça a commencé par Running Man. Je crois que je t'ai fait Piège de cristal. Piège de cristal. J'avoue que ça m'a plus inspiré sur Piège de cristal que sur Running Man. J'aime bien Schwarzy, mais j'y ai mis plus de cœur sur celle-là. Après, c'est une question de goût personnel. Bon, c'est vrai que tous les sujets ne m'attirent pas non plus. Donc, on a toujours des préférences. Des goûts et préférences. Non, mais de toute façon, nous, au moment où on a entamé cette collaboration, il était clair qu'on voulait absolument pas te forcer à faire des choses contre nature. Ah oui, on était d'accord tous les deux. Mais si tu avais des pistes que tu voulais explorer, nous, on t'a absolument pas freiné. Et voilà. Donc, alors, on va revenir un peu sur le pourquoi du comment tu en es venu à, en plus de ton vrai métier. Alimentaire, voilà, on va dire. Alimentaire. on va revenir sur ton métier d'illustrateur et de peintre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça a démarré? Est-ce que tu as fait une formation pour ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as appris en autodidacte? Moi, j'ai toujours été, dès le plus jeune âge, j'allais dire apte à faire du dessin. Je dessinais très tôt. J'ai fait des études de graphiste. Donc, j'ai continué dans ce domaine-là. Puis, j'ai toujours évolué entre la BD franco-belge et puis les comics un peu plus tard. Donc, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Et il y a eu une période de ma vie où j'ai freiné, même un petit peu arrêté dans ce domaine. Et puis, j'ai recommencé, en fait, il y a 3-4 ans avec une exposition de peinture qui n'était pas du tout prévue, mais sur un thème que j'affectionnais. Donc, je me suis lancé vraiment à l'aventure. Et quel était ce thème? C'était sur le thème de l'art précolombien. D'accord. Donc, comme il y avait un petit rapport, j'adorais ce terme parce que je suis de l'époque, donc de 72, les années 80, j'ai connu les mystérieux cités d'or. Donc j'avouerai que ça m'a un peu inspiré. Ça m'a un peu aspiré. Puis il y a aussi Tintin et les 7 boules de cristal. Donc ça m'avait marqué. Donc j'ai fait un thème sur cette civilisation-là, sans m'attaquer aux cités d'or. Et puis ça a bien marché. Et bah du coup j'ai remis le pied à l'étrier. Et puis bah j'ai enchaîné les expos sur des thèmes plus différents, aussi bien le thème celtique que le thème du cinéma, mais dans beaucoup de domaines. Donc que ce soit le cinéma français ou américain. Alors, il y a aussi eu d'autres thèmes qui ont été abordés plus récemment. J'ai pu avoir l'occasion de faire une expo au Don Camillo, il n'y a pas très longtemps. Donc là, ça portait sur le thème des super-héros. Don Camillo, donc, où nous nous situons aujourd'hui, voilà, donc, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, rue des Saint-Pères exactement à Paris. Tout à fait, qui a un cadre vraiment magnifique. J'ai commencé à faire des expos, même en, j'allais dire en binôme, j'en ai fait plusieurs fois avec différentes personnes. Après, il y a plus ou moins d'affinités avec certaines, mais ça s'est toujours bien passé. Et sur des thèmes différents, ma première, je crois, en binôme a été sur l'Asie aussi. Et donc, la dernière expo que j'ai réalisé, c'est vrai que je l'ai fait aussi sur les comics parce que je, dans les années 80, j'ai connu les comics. Comme beaucoup. Y en, voilà, il y en avait, ça fait partie des années, de ces années-là. Bah, j'ai fait en parallèle à ça, il y a eu quand même trois expos sur le thème, je reviens un peu sur le thème des précolombiens parce que j'ai quand même fait deux autres expos supplémentaires après celle-là, dans des endroits différents, qui m'ont permis d'aborder vraiment le thème des cités d'or cette fois. Donc là, j'ai consacré un peu plus de travaux. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, pas que des illustrations. Tu avais fait aussi médaillons. Voilà, et pas que des illustrations. J'avais réalisé des médaillons d'à peu près 30 cm de diamètre qui représentaient le médaillon d'Esteban dans les cités d'or. Ouais, donc effectivement, on est complètement dans le thème années 80. Exactement. Après, la thématique donc, de l'Asie, c'est un goût pour des voyages que tu as pu faire avant. C'est une sensibilité ou une imagination de ce que tu aimerais dépeindre de ces régions. Ou est-ce que c'est quoi ce qui déclenche la thématique d'une expo? Bah, c'est plutôt de m'attaquer, alors, dans le cadre d'une culture, ce qui a le côté années 80 effectivement avec les comics ou même une exposition que j'ai fait au mois de décembre dernier où j'avais eu le plaisir d'avoir la présence de certains chanteurs et chanteuses de génériques de dessins animés. À savoir Michel Barouille, Liliane Colin, Davis, Liliane voilà, Davis. Tout à fait, qui ont eu la gentillesse de m'accompagner dans cette expo-là pendant une séance de dédicaces et je les en remercie grandement. Après, voilà, c'est plus une question de culture, j'allais dire, de découverte et de curiosité, puis bon, d'affinité aussi quand même. C'est vrai que la culture asiatique, sur plein de points, est très intéressante et il y a dans ces types de cultures, il y a toujours souvent une ressemblance avec une partie chamanique dans l'histoire de ces peuples-là. Donc c'est vraiment... Et puis j'imagine que ça te permet aussi d'explorer peut-être des nouvelles techniques de peinture, des nouveaux matériaux, peut-être, je ne sais pas. Alors, nouvelles... Oui, nouvelles... Spécialiste, mais... Je voulais pas me limiter à un seul thème. Donc effectivement, le fait de s'attaquer à différents thèmes permet de varier à la fois les techniques, les supports, les matières premières qu'on utilise. Donc ça permet de travailler aussi bien sur la toile que sur du papier. J'ai essayé le verre, le plexiglas. Voilà, donc c'est vraiment un champ d'exploration. J'ai pas encore essayé le métal, mais peut-être qu'avec le thème viking, je m'y attaquerai, je vais voir. Ah. Je sais pas encore. Et si, est-ce que t'as, donc du coup, j'imagine que tu dois avoir une technique de prédilection ou un matériau de prédilection. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu aimes travailler? Est-ce que... Sur le papier... Quelle est la touche Éric Bouvet? Comment est-ce qu'on peut la, en termes d'illustration et de peinture? Je crois pas qu'il y ait une touche. Après, les gens qui me connaissent depuis un certain temps savent reconnaître mon style et ma façon de faire. Après, de là à dire qu'il y a une touche... Donc le style Éric Bouvet, non, je peux pas me le résumer, non? Non, parce que ça dépend vraiment du thème que je traite. Ouais. Parce que je vais les traiter différemment. Je traiterai pas du tout le thème des dessins animés, des génériques des années 80, comme le thème asiatique ou le thème viking, que je compte bien faire, parce que je vais le traiter avec d'autres matériaux. Ce sera fait d'une manière différente. Donc, non, il n'y a pas de... Je veux pas de toute façon me limiter. Une sorte de caméléon, finalement. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Un côté, ouais, un côté caméléon, ouais. Ou prédateur, ça dépend. Ouais, on reste dans les années 80, c'est... Hein, voilà. Les références. Alors, il t'a même fait une exposition aux États-Unis également. Oui, alors là, j'ai pas eu le temps d'y aller, malheureusement. Non, mais on va dire que tes œuvres ont été exposées. Voilà, et ça continue parce que, enfin, ça a commencé bien l'an dernier, au mois de, alors, si je me rappelle bien, ça a commencé au printemps dernier. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui s'en occupe là-bas et j'ai une chance énorme parce qu'elle s'occupe vraiment de tout. Bon, je m'occupe un petit peu aussi de la com ou du flyer ou des validations. Puis éventuellement, et accessoirement, de lui envoyer des travaux pour les exposer. Et donc, elle les expose. Le nom de la galerie était amusant, si je me souviens bien également. Ah, il y en a eu plusieurs. Gotham. Alors là, voilà. Depuis le mois de décembre, c'est le Gotham. Voilà. Donc c'est un lieu très prisé d'ailleurs qui fait penser un petit peu au Don Camillo, parce que c'est un peu dans le même style. Un peu dark. Où, ouais. Voilà, ils ont l'habitude de faire beaucoup d'expos là-bas, et ça a été une grande chance pour moi. Donc et la prochaine est pour le 22 mai, si je me trompe pas. Toujours au même endroit, du coup. Toujours au même endroit, au Gotham. Je crois qu'il va y avoir. C'est dans quel état, du coup? C'est dans le New Jersey. New Jersey, ouais. Voilà. Et donc ça s'est bien passé au mois de décembre, et puis du coup là, le propriétaire était assez content. De remettre donc, le couvert. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt bien. Donc il y a d'autres projets internationaux. Voilà, il y a d'autres projets sur lesquels on travaille avec ma partenaire aux États-Unis. Donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Super. Alors, en termes de profil années 80, donc comme tu l'as dit, tu es né en 1972, donc ça permet d'arriver aux années 80 en ayant déjà 8 ans. Et ouais. Quand on a 8 ans, on a quand même des souvenirs. Donc c'est vrai que tu es le candidat idéal pour parler des années 80. Parce que c'est vrai que moi, je suis né en 1975, 76, donc j'avais que 4 ans au tout début de la décennie. Alors que toi, je pense que tu as des souvenirs de 1980 à 1989-90. Donc cette décennie-là, pour la décrire, comment je l'ai vécu. Voilà, le profil du Éric Bouvet qui a connu toute la décennie des années 80. Déjà, je vais te remercier parce que c'est très diplomatique. Et puis d'une manière tellement élégante de me dire que je suis plus âgé que toi. Et effectivement, les années 80, 72, si j'ai eu la chance d'aller voir le premier Star Wars au cinéma, mon père m'y emmenait direct, donc évidemment là, je ne pouvais pas. Comparé à ma malchance de ne pas avoir vu le 3 alors que je devais le voir, j'avoue que c'est une chance que tu as eue. C'est l'avantage que je sois plus vieux que toi. Et puis, j'ai vu la première fois à la télé Goldorak. Donc, forcément, c'est des choses qui marchent. C'est les principaux souvenirs. Et puis, il y a tous les jouets qu'on trouvait en magasin. Enfin, c'est tous les premiers dessins animés qui sont arrivés sur les nouvelles chaînes de télé. Donc les télévisions françaises inondées de Japanimation, voilà, tu as connu, bien connu. Oui, j'ai des souvenirs qui m'ont marqué plus que d'autres. Bon, c'est vrai qu'il y avait Goldorak. Alors, il y avait aussi Candy qui arrivait juste avant. Donc, j'adore Dominique Poulain, mais c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. C'était une attente interminable, épouvantable de voir Candy et de devoir attendre Goldorak. Ouais, c'est la première partie. C'était une première partie. On attendait la venette américaine. C'était une vraie torture. Ouais. C'était une torture. Et j'allais pas donner le terme anxiogène parce que je sais que tu le connais. Ouais. Il y a eu tous ces moments-là, et puis il y a des souvenirs très clairs avec les dessins animés du soir, avec Ulysse 31 qui passait à 8h05, je crois, c'était quelque chose comme ça, exactement. Sur FR3. Juste avant, il y avait les jeux, je sais plus si c'était avec Jean-Pierre Descombes ou des choses comme ça. Ah non, il y avait les jeux de 20h. Ouais, les jeux de 20h, voilà, c'est ça. Donc il y a des souvenirs comme ça qui restent indélébiles. Ouais. Et puis le générique de fin des programmes aussi, avec Folon, les bonhommes qui s'envolent, tu te souviens? Voilà, ouais, tout à fait. Avec leur chapeau. Voilà, ouais, et encore, je suis sûr qu'il y en a plein que j'ai vu, dont je dois me souvenir inconsciemment, mais je n'arrive pas à les retransmettre tout de suite. Et cette décennie, donc, comme tu le dis, tu as eu des séries d'illustrations donc, en rapport, même avant de nous rencontrer, sur les années 80, c'était déjà en route. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, du coup, est resté ancré et qui a déclenché la volonté de faire des illustrations en rapport avec Goldorak, avec Albator, et ainsi de suite. Donc, est-ce que, Éric Bouvet, qui a connu les années 80, mais qui a aussi connu les années 90, a plus envie de dessiner Goldorak ou Albator que Le Prince de Bel-Air ou quelque chose qui a pu être dans les années 90, j'imagine? Oui, c'est fort possible. Il y a des séries qui m'ont quand même marqué dans les années 90, mais c'est vrai que j'ai pas un aussi meilleur souvenir que pour les années 80. Je crois que ça a été vraiment... Après, je crois que sur les années 90, on arrive plus sur le Club Dorothée. Donc, il y a un changement quand même de... Il y a un changement de dessin animé, de programme, et puis on a vieilli entre les deux. C'est ce que, voilà, toi qui parlais de la chute, mais c'est effectivement, on n'y est pas confronté au même âge, donc du coup, on a, et ça n'a pas le même impact sur nos vies. Et on le perçoit, différemment, puis on a des activités différentes, on rentre un peu plus dans les études, après il y a le service militaire, donc il y a plein de choses qui fait qu'on lâche à un moment donné, je pense. Service national. Le mot est lâché. Voilà, le mot est lâché, voilà, c'était encore d'époque, d'actualité. Et puis voilà, puis bah, après il y a un relâchement parce qu'il y a 10 ans de boulot, parfois de galère aussi, hein, comme certains ont connu, donc il y a 10 ans pendant lesquels j'étais pas trop sur la télé, où j'ai plus passé mon temps à faire la foire qu'autre chose. Et oui, j'étais plus dans les bars que devant la télé. Donc et puis bah après on passe aux années 2000 et puis ça commence à changer, on se retrouve dans un autre contexte professionnel, on réaborde des choses, je réabordais des sujets que j'avais connus dans les années 80, j'y suis retombé au fur et à mesure. Puis des fois, on a des enfants qui, du coup, nous refont penser à des choses quand on était petit. Voilà, tout à fait. On redéterre certains trucs. Et puis voilà. Et puis, on se heurte aux foudres de nos conjointes. Ça peut arriver. Ce sont des choses voilà, qui arrivent. Hein. Voilà. Et alors, en termes de plaisir coupable, est-ce que, à l'époque, donc, dans la décennie qui nous réunit aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des séries ou des dessins animés que tu avais quelque part un peu honte de regarder vis-à-vis de camarades qui trouvaient ça nul ou je ne sais quoi? Enfin bref, une série, une princesse Sarah, des trucs un peu... Alors on va dire ça froidement, on va dire plus destiné aux filles, je ne sais pas, tu vois, parce que c'était très les dessins animés souvent c'est très c'est il y a des dessins animés réducteur pour les filles, voilà. Et des dessins animés pour les garçons, c'est très sectorisé. Donc est-ce que tu étais un peu mais non mais moi je suis quelqu'un de qui aime tout découvrir donc je regarde tout ou est-ce qu'il y en a qui non enfin je crois que j'ai plus été sectorisé avec l'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai continué à regarder en douce et en secret des dessins animés jusqu'à un âge très avancé, mais je crois qu'il y a, en fait, je devais pas être le seul dans ce cas. Oui, je te le confirme. Et voilà. Et voilà. Donc, c'était plus pour me cacher, en fait, ou pas dire à mes parents que je regardais encore Albator ou Goldorak parce que ça passe pas à un certain âge. Mais, c'était plus ça parce que je crois, les dessins animés de filles, je crois que je les ai en toute honnêteté, je les zappais. À part pour attendre Goldorak et reprendre. Voilà, ouais, non, c'était... Non, je les connaissais, évidemment, mais voilà, ça m'a pas laissé... Non, j'étais plus... J'avais plus une appréhension par rapport à l'âge, à me dire... par rapport à la vision des autres, à me dire, oh non, tu regardes encore les dessins animés à cet âge-là. Et sortie des dessins animés, alors, séries et autres choses. Parce que c'est vrai que finalement, tu t'es très dessin animé. Mais quid des séries de l'époque? Est-ce qu'il y en avait qui... Je suis très difficile, en fait. Je suis très difficile. Et les séries des années 80 m'ont fait un petit peu horreur, j'ai l'impression, entre Punky Brewster... Je suis désolé parce que je commence à voir un changement de visage. Mais je vois bien que ma réponse ne te convient pas. Mais je vais te contrarier quand même. Voilà, je vais te déplaire, je le sais, mais bon. Mais non, c'était anxiogène pour moi, en fait. Voilà. C'était vraiment anxiogène. Toutes les séries? Non, parce que là, tu me cites pas une grande partie, mais une grande partie, je regardais très peu. Alors après, si tu me dis deux, trois titres, là, je vais te dire oui ou non. Parce que je veux dire Magnum, tu peux pas considérer ça. Mais Magnum, non, ça allait. Magnum, par exemple. Mais mon père, en fait, m'a beaucoup habitué aux vieilles séries des années 60. Donc, j'ai été bercé dans le Mission Bon sang, Impossible. Mais c'est bien sûr, les cinq dernières minutes, tout ça? Maigret? Non, ça, j'ai évité, parce que sinon, je serais pas encore vivant pour t'en parler. Mais, ça a été Mission Impossible, les vieux Star Trek, enfin, la série. Ah, oh là là, tu vas finir avec les acteurs en pyjama, Cosmos 1999. Ah, non, en plus, même acteur que Mission Impossible. Ouais, exact, ouais, bah, exact. Donc non, bah, j'ai été, non, bah voilà, non, je le dis, j'ai été bercé là-dedans et, ouais, et je le regrette pas. Alors Cosmos, c'est vrai que Cosmos 99, c'est, il y a vraiment un côté kitsch. Parce que les pattes de Defch, c'est pas possible, c'est compliqué. Mais ma décharge, enfin les années 80, quand tu regardes au niveau vestimentaire et coupe de cheveux. Ah mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, voilà. Garde tes munitions pour tout à l'heure. Mais sinon, non, j'étais plus dans le. Alors il y avait la dernière séance. Voilà, j'étais vraiment dans ce trip-là et mon père m'a fait connaître beaucoup de vieux films. D'accord. Et puis bon, bah voilà, John Wayne et tout ça, quoi. Ouais, les grands classiques. Rio Bravo, Clint Eastwood, La Poignée de Dollars. Bah voilà, exactement. Lino Ventura pour les films français. Après, Le Rouge et Mie, tout ça, tous ces grands classiques, avec tout ce qu'il y avait avec Gabin, tout. Donc, j'ai plus été quand même élevé dessin comme animé, ça. Dessin animé, film. Alors, pas dessin animé, c'était moi. Mais voilà, tout ce qui était cinématographie, c'était vraiment mon père. C'est une des qualités que je lui reconnais. D'accord. Et alors donc ça veut dire les sagas, les aliens, tout ça. Ah bah coup, ça après c'est venu aussi parce que je l'ai aussi un petit peu acclimaté à cette décennie-là et puis il y était réceptif donc j'ai fait tout. Oui, j'ai découvert tous les aliens, tout ce qui était Ridley Scott, même des séries, des films un peu plus noirs. J'en avais un en tête, je sais plus ce que c'est. C'était un film fantastique. Tiré d'un roman, enfin c'est un truc qui a pas marqué, mais il y avait Jürgen Prochnow dedans. Voilà. Et je t'enverrai le titre en MP. Voilà, non, c'était il y a des trucs, mais franchement j'étais curieux de tout. Bon après il y a certaines choses qui m'attiraient moins, mais Les films de SF dans les années 80, il y a eu beaucoup, enfin 70-80, il y a eu beaucoup de, il y avait du tri à faire, mais il y avait beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de navets aussi. Donc et puis il y avait des séries qui étaient à la croisée des deux. Du Buck Rogers. Bah voilà. Après bon, voilà. C'est vrai que des séries comme tu l'as dit tout à l'heure pour Magnum, ça c'était des séries que j'aimais bien. Donc une que tu détestais à mon avis, c'était Supercopter par exemple, voire que tu n'as jamais regardé. Ah bah il avait d'ailleurs un frère. Springfield Hawk. Supercopter avec le gars avec la moto. Ah bah bien sûr, Tonnerre Mécanique. Voilà, oui. Tonnerre Mécanique. Ah, tu connaissais ça. Voilà, c'était les deux jumeaux donc. Non, c'est pas voilà, toi. Non. Tu détestais. Ah, non, à la limite le côté. Alors ce que j'aimais bien, c'était le côté kitsch de K2000. J'ai toujours trouvé la coupe de David Hasselhoff. Ah, qui l'a gardée d'ailleurs. Voilà, incroyable. Incroyable, il a pas quitté la moumoute. Donc c'est même pas Knight. De l'envie parce qu'on va parler des cheveux après, je me doute bien. Donc Knight. Voilà, non, c'était le côté le bzzz. Non, ça c'était Kit. Les silons. Oui, mais non, il faisait même bruit qu'un silon que dans Battlestar Galactica. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Repris dans l'agence touriste, voilà. Dans certains l'agence touriste par exemple. Voilà. Ah ben je la regarde encore de temps en temps. Voilà. Mais je l'aimais beaucoup moins en fait dans les années 80. J'ai appris à la réapprécier. D'accord. Voilà. Curieusement, voilà, il y a des choses qu'on avec l'âge qu'on regarde avec on a une autre vision aussi. C'est comme des aliments qu'on n'aime pas quand on est petit et que avec l'âge on se met à apprécier. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Bon, alors, en termes de cadeaux de Noël, puisque quand on est enfant, on a forcément l'impatience du cadeau de Noël, est-ce qu'il y a des... La peur aussi, oui. voilà, j'allais te dire, est-ce qu'il y a des choses où tu te souviens avec émotion, où tu peux me dire, je me souviens, alors de là à me dire l'année, non, mais un cadeau de Noël qui t'avait vraiment fait plaisir, et un où tu t'es vraiment dit, non mais c'est pas possible. Alors, un cadeau de Noël qui m'a marqué, je serais incapable de dire l'année, années 80 évidemment, oui, mais c'était le Château des Ombres avec les Maîtres de l'Univers qui allait avec. Là, c'était juste extraordinaire. Les personnages colorés et tout, c'était top. Après, je sais pas si c'est la même année, mais je pense que j'ai dû avoir, alors ça on en avait parlé un petit peu, peut-être une fois effectivement, c'est le pantalon écossais, le pull rouge, voilà, qui font ressembler à... T'étais entre Chucky et Freddy Krueger. D'accord, donc c'est plus du vestimentaire alors. Il y a pas un jouet que t'as eu où tu t'es dit ça comme beaucoup d'enfants, hein, t'y joues le jour de Noël et puis après pfiouf, au placard. Parce qu'il y a quand même non parce que je pense que je devais faire ma liste. Et puis c'était malin. Voilà. Et qu'elle était suivie en plus parce que souvent on fait la liste, mais bizarrement on n'a pas exactement ce qu'on veut quoi. Oui, mais en fait c'était bon, j'en veux pas à mes grands-parents, c'était aussi une autre façon de le vivre et puis d'offrir des cadeaux. Mais non, c'était souvent les vêtements et c'était pas possible quoi. Enfin, niveau couleur, ça ressemble. J'ai revu des photos l'autre fois. D'accord. Ça ressemble à rien. Hein. Des diapositives, c'est... peut-être. En l'époque des diapositives. Faisons une soirée diapo. Voilà, les séances diapo du dimanche après-midi. Oh, regarde le papier peint, là. Voilà. Regarde, tout le monde avait le même. Voilà. Et tout. Oh, regarde le salon. Jaune et orange, voilà. Avec des grosses bulles. Voilà. J'adore beaucoup la pomme pour mettre les glaçons. Hein. C'est... Tu sais que c'est, bah, c'est revenu à la mode. Hein. Et oui, je sais, je le vois bien dans les magasins. Après, il y a les couleurs, ça se discute pas, mais c'est toujours flashy. Mais c'est marrant d'avoir un ou deux éléments comme ça des... qui ressortent des années 80. Et, non, c'est sympa, c'est sympa. Père Noël. Bon, alors, et du coup, les émissions jeunesse des années 80 qui enrobaient ces fameux dessins animés dont on a déjà parlé, qui vont être Les Visiteurs du Mercredi, qui vont être Croque Vacances, du Récréa 2, du Vitamine, l'émission qui donne bonne mine, et ainsi de suite. Tout cet enrobage, finalement, qui ne servait de prétexte qu'à nous amener les dessins animés qu'on adorait. Est-ce qu'il y a des figures emblématiques que tu retiens de cette époque? Est-ce qu'il... voir avec lesquels tu as des relations ou tu as déjà renoué contact ou d'un biais ou un autre. La première, je dirais, qui vient à l'esprit, c'est toujours Dorothée avec Récréa 2. Fatalement. Après, j'ai pas de contact avec Dorothée. Après, il y a une émission que j'adorais parce qu'il y avait aussi un petit peu comme Récréa 2. T'avais pas que des dessins animés, il y avait des rubriques. Il y avait toujours des rubriques sympas dans ces émissions-là. C'était Croque Vacances. Donc là où effectivement, avec Claude Pierrard et les deux marionnettes dont je vais pas tarder à oublier le nom, et ça y est, c'est fait. Pareil, je les ai sur le bout de la langue. Voilà, donc t'as le lapin garçon et le lapin fille, et c'est Isidore et Clémentine. Et Soisy Corne aussi. C'était la fille qui présentait avec Claude Pierrard. Ah bah tu vois, là je m'en souvenais plus. Voilà. Mais voilà, moi je me souviens, Claude Pierrard, je m'en souviens parce que j'ai des contacts avec lui. C'est quelqu'un d'adorable. Ah bah c'est quelqu'un qui nous a élevés. Moi j'ai des souvenirs de Claude. Ah, j'ai c'était extraordinaire en plus. Une sorte de deuxième père finalement. C'est voilà. Puis il a toujours. J'espère qu'il me pardonnera. Il a toujours un côté vraiment adorable, sympathique. Enfin quand on a des échanges par téléphone ou par mail, il a toujours ce côté paternel et. Franchement voilà, je l'adore. Et puis passer des dessins animés. Souvent c'était des dessins animés dont les génériques. On connaît le chanteur maintenant qui est Michel Barouille, parce qu'il y avait la Bataille des Planètes, il y avait Kelly Jekyll, il devait y avoir Vic le Viking. Bataille des Planètes. Donc c'est des choses qui marquent. Bah, évidemment. Alors Vitamine, comme tu l'as cité tout à l'heure, un petit peu moins. Ça m'a moins. Je connais l'émission, j'ai des souvenirs, mais ça m'a moins marqué. Et puis bon bah l'émission qui m'a marqué le plus, évidemment, c'est Récréa 2. Je pense qu'on se dirige vers les années 90. Donc Il y a des émissions charnières, le Club Dorothée, effectivement, qui est entre 87, 88, et après. Et après, on passe sur le Club Dorothée. Milieu des années 90, ouais. Donc, il y a une période qui fait maintenant que j'ai été amené à connaître des chanteurs de ces génériques de dessins animés. Et puis, ça m'a replongé dedans. J'allais dire 30 ans, presque 30 ans. La cure de jouvence. Ouais, la cure de jouvence. Non, mais c'est bien, c'est géant, quoi. C'est géant, parce que je reprends vraiment plaisir à regarder certaines séries que j'avais peut-être un petit peu mises de côté ou j'avais moins regardé. Et puis ça me replonge dedans. Et puis c'est extra de connaître ces gens-là, parce qu'il y en a, pour une grande partie, ils sont adorables. Et puis en plus, ils méritent qu'on les connaisse. Je parle surtout des chanteurs, parce que c'est des gens dont on connaît la voix, les paroles des chansons par cœur, mais on a longtemps pas connu ni le nom ni le visage. Oui, c'est ça. Bah, comme Philippe Auguste, qui, grâce à toi, on avait reçu sur un Itisez-vous, effectivement. Voilà, c'est qui est la voix de Ken, de Capitaine Flamme, Musclor. Et de Martin Sheen. Il en a fait des tonnes. Il ne l'a pas seulement ça. Il me l'a rappelé aussi quand j'ai eu au téléphone. Mais il a eu l'immense gentillesse de me pousser le cri de guerre de Musclor au téléphone. Ça m'a fait tout drôle. C'est géant. Quand on entend la voix qui te le fait comme ça, sans que ce soit un dessin animé à l'écran, ouais. qui a aucun retour, là, tu sais que c'est pour toi et tout. Donc là, forcément, tu perds 30 ans d'âge. Facile. Tu ressors le château des ombres du grenier et en avant, quoi. Bah oui. Et oui. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Tu disais tout à l'heure, donc tu parlais un peu du côté vestimentaire, effectivement. Dans les années 80, même au-delà du vestimentaire, est-ce que pour toi, il y a des choses à oublier ? Les coupes de cheveux ? C'est dingue, mais c'est chaque fois que je pose cette question, c'est, on va dire 80% du temps, c'est ce que les gens disent tout de suite. Bah, c'est parce que je pense que c'est ce qui a marqué le plus dans le pire. Si tu vas par là, est-ce que maintenant, les coupes de cheveux sont mieux ? Le truc, c'est que j'y fais beaucoup moins attention. Okay. Alors, j'y prête aussi moins attention parce que du coup, moi, entre les années 80 et le début des années 2000, bah, je les ai perdus. Donc forcément... Ça élimine pas mal de souvenirs, de mauvais souvenirs. Parce que quand je revois des photos de moi, les années 80, c'est pas... T'avais la coupe mulet, avoue-le. On va bien sortir quelques diapositives de cette période. Ça pourrait être valoir le coup avec le pantalon écossais. Mais je vais en rester au CV. Je vais juste rester à l'écrit parce que je te fais déjà tes illustrations. Okay. Ce serait pas possible. Okay. Ce serait pas possible. Donc vraiment la coupe de cheveux. Les fringues. Les fringues c'était particulier parce que il y avait le look gold avec les manches relevées jusqu'à presque le coude. Les épaulettes pour les femmes. Voilà, il y avait des épaulettes aussi pour les mecs, hein, quand tu voyais les vestes que c'était. C'est pas faux. C'était pas mal, les looks étaient quand même bien... Je préfère quand même les années 80 aux années 70, parce que les pattes d'éléphant, je suis complètement allergique. Le pire quand même, c'était les coupes de cheveux. Hein. Ouais. Okay. Définitivement. On sent un traumatisme capillaire, un peu latent. Dans les prisons du cœur, dans les cages ascenseurs, où les câbles bas-fonds, dans l'angoisse et la peur, frissonnant d'émotion, je te survivrai. En termes musical, est-ce qu'il y a une chanson ou un courant musical typique des années 80 que tu retiens ou je sais pas ce qui est pareil. Il y a une empreinte années 80 pour toi que tu es dans laquelle tu aimes bien te replonger encore actuellement. Est-ce que finalement t'as quand même pas mal de relations avec des chanteurs de génériques de dessins animés qui aussi ont des carrières de chanteurs autres, mais oui, quand même qu'on a connu par des génériques de dessins animés. Mais après du chanteur emblématique du début de soirée, du gold, ce genre de choses. Est-ce que tu restes sensible à ce genre oui, de... Oui, parce qu'en plus, tu cites gold, mais je crois que c'est un de ceux qui m'ont le plus marqué. Mm-hmm. Donc, il y a eu 3-4 titres entre Un peu plus près des étoiles ou Capitaine abandonné, je crois qu'ils m'ont marqué le plus, que j'ai connu tout de suite. Après, en prenant quelques années de plus... j'ai été plus sensible à la musique internationale avec des chanteurs comme Sting ou voilà que tu découvres quand tu deviens un peu plus quand t'as passé le stade de l'adolescence. J'ai été, je pense, un peu martyrisé par mon père dans mes jeunes années le dimanche matin. Ça c'est un souvenir horrible. Juste avant les repas de famille avec Charles Aznavour. Non, quand mon père mettait repas de famille dans les années 80, c'était tout c'était le monde venait à la maison. C'était atroce, il me mettait que des trucs mais j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Donc là j'ai été allergique tout de suite. Le truc c'est qu'Aznavour, si tu veux, toi tu l'as connu dans les années 80, mais on peut dire ça d'à peu près 4 décennies. C'est-à-dire que 5 décennies même, le gars, il a une carrière tellement longue qu'effectivement... Et il est toujours pas mort. Faut pas souhaiter la mort. Non, je le souhaite pas, c'est une constatation. Mais en tout cas, il tient. C'est-à-dire que bon, je préférais quand même les Beatles ou les Stones. Oui, mais est-ce que ça cadrait avec ton père? Pas trop. Voilà. Je les ai découverts, j'irais un peu plus par tout toi-même. Seul. Voilà, par moi-même. Ouais. Donc après, mon père, c'est vrai que m'expliquait ou me donnait d'autres axes de recherche, mais découverte musicale. Mais non, après j'ai réussi à l'habituer à Dire Straits. Ouh, belle performance. Voilà. Ouais, parce que ça j'aimais. Ça, j'adorais. Je crois que bon, le titre qui m'a marqué le plus, c'est Money for Nothing. En plus, il y avait le clip qui était bien. Money for Nothing, c'est là où les paroles parlent d'un micro-ondes, c'est ça, Michael? Voilà, ouais, t'as avec des personnages et puis en cube là et tout, façon Tetris ou Pac-Man. Et puis t'as la, des fois il y a des gens qui ne le savent pas, mais t'as la voix de Sting aussi qui fait les voix derrière, qui fait les fronts. Dans Dire Straits. Ouais, dans Dire Straits. T'écouteras, t'as la voix de Sting. Je ne savais pas. Qui fait le cœur. D'accord. Et après, il y en a eu d'autres, Walk of Life, tout ça. Donc ça, c'est le genre de groupe qui m'a marqué après que j'ai découvert vraiment en sortie d'adolescence. Donc un peu, voilà, avant d'arriver à la fin des années 80. D'accord. Donc pas de viens boire un petit coup à la maison, de ce genre de danse des canards, de... Voilà. Je crois que je l'ai fait comme tout le monde, la danse des canards. Tu l'as peut-être subi à des mariages aussi. Oui, c'est souvent le problème. Subi, je pense que c'est le mot qui convient. J'ai eu de la chance de faire certains mariages où on passait du Capitaine Flamme ou du générique de dessin animé, donc c'est la preuve que ça a pas lâché, et puis les gens sont revenus en fait tous les quadragénaires de, et puis après ça transmet aux enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de tradition, une espèce d'épidémie. On va rebasculer sur un autre type de question. Est-ce que si tu pouvais avoir un talent autre que celui d'illustrateur et de peintre, quel serait-il ? Ah, ça c'est pas... Si ce que j'aurais voulu faire, c'est... Bon, c'est peut-être un métier, c'est toujours un métier dans l'art, dans le domaine de l'artistique, c'est travailler à... Comment dire, à la restauration de vitraux, d'églises ou de cathédrales. D'accord. Travailler dans le verre. C'est un métier qui m'a toujours... Fasciné. C'était ça, ou astronaute, ou j'étais marqué. Si au début je voulais faire archéologue, mais comme Indiana Jones. Ah oui. Pas dans les salles de cours. Oui, voilà. Y a plusieurs facettes à ce métier, mais effectivement. Donc voilà, ça aurait été ça, ou effectivement, voilà, archéologue, ou astronaute, comme j'étais nul en maths, ça a pas fonctionné, donc. Puis c'est moins accessible que le reste quand même. Voilà, puis archéologue, j'avais pas la patience, même si j'étais bon en histoire, mais voilà, donc. Du coup, j'ai pas fait. Ok. Voilà. Un objet dont tu ne te sépares jamais, s'il y en a un. Est-ce que tu en as ? Un objet dont je ne me sépare jamais. Et ne me dis pas ton téléphone. Il va me le dire. parce que je me sépare. Mon caleçon, mais mon slip. Mais je m'en sépare aussi comme le téléphone parce que je dors pas avec. Ouais. Donc. Non, t'as pas de fétiche. Non, alors à la limite. La patte de lapin, si, non, le fer si, à cheval. Il y en a un, tu vois. Je te dis bêtise. En fait, c'est un bracelet. Alors évidemment, les gens pourront pas le voir, mais toi, je te le montre. Mm-hmm. C'est un bracelet que je me suis fait poser au Festival du Tibet. D'accord. L'an dernier, en fait, en 2014, j'ai fait. On m'a proposé d'exposer au sein du temple bouddhique de Kia Vincennes, à la pagode. Et je me suis retrouvé. Alors, j'étais. Je crois qu'il y avait deux Occidentaux qui exposaient. Il y avait une photographe et moi pour les peintures. Et il y avait quatre autres exposants qui étaient des Tibétains. Donc, j'avais. C'était vraiment des lamas qui étaient là, qui étaient il y avait des mantras, enfin bon, il faisait des choses fantastiques. Et il y en avait un qui posait en fait des bracelets, qui les bénissait. Donc il y a un petit rituel à faire, t'arrives devant, tu te mets à genoux, tu salues, et il fait une prière pendant qu'il te pose un bracelet. Le truc fait juste un mètre de long, donc il fait 50 tours. Et après, il te le crame au briquet. Et voilà, et en fait, c'est des bracelets qui viennent, qui ont été bénis, c'est plutôt le terme catholique, mais oui. Qui ont été consacrés par le Dalai Lama lui-même. Donc voilà, c'est un petit porte-bonheur que j'ai depuis 2014 et qui me lâche pas. Donc je vais m'en refaire mettre une couche, je pense, cette année au mois de juin. Et cette fois, j'emmènerai ma fille là-bas, donc pour qu'elle voit ce que c'est un petit peu, qu'elle découvre une autre culture aussi, parce que c'est vraiment des gens qui sont adorables. Zen, détendu. Zen, ouais, détendu, et qui sont très sensibles. J'ai eu un très beau souvenir pendant l'exposition, et c'est vraiment des gens d'une grande sensibilité. Ok, donc on a bien trouvé un objet. Voilà, depuis 2014. Voilà, seulement depuis 2014, j'en ai pas avant, non. Ok. Et alors, pour rester dans le cadre des super-héros, si tu pouvais avoir un super-pouvoir, lequel serait-il ? Ben, il vaudrait mieux pas, parce que je m'en servirais. Mais... Peut-être pas qu'à bon escient, d'ailleurs, mais... C'est difficile, parce qu'il y en a plein qui sont sympas. Alors, j'aimerais... voler. Mm. Voler. C'est très réducteur, un seul, en fait. C'est déjà mieux que zéro. ouais, mais ça sous-entendrait qu'il faut que je me balade avec un slip par-dessus mon pantalon. Ah bah oui, après... Qui plus est, de couleur vive. Ouais. Et, donc là, oui, on peut pas tout avoir. Voilà. Mais voler. Un seul pouvoir, oui, voler, peut-être. Voler. Il y en aurait plein d'autres, hein. Mais je préfère les pouvoirs des super méchants aux super gentils. C'est pas... D'accord. Donc voler. Voilà, voler, on va dire. Très bien. Alors, l'avenir, le futur d'Éric Bouvet, est-ce que... Les projets en vue, des envies, des choses dans les tiroirs dont tu puisses nous parler, des souhaits en rapport avec les années 80 ou non d'ailleurs. Mais... Alors il y en aura sûrement avec les années 80, je pense avec peut-être une dernière exposition, mais si j'arrive à mettre mon projet en route, qui aura peut-être lieu au mois de juin. Je te tiendrai au courant dès que ce sera confirmé. Et puis sinon, pour le reste de l'année, bah déjà je vais prendre des grandes vacances afin de pouvoir repartir à fond pour recharger la rentrée. Recharger les batteries. Ouais, recharger les batteries. Et ce que j'aimerais bien faire, ouais, c'est une expo aussi sur le thème heroic fantasy, celtique, viking. Il y aura peut-être une ou deux expos sur les super-héros, mais deux sous réserve. Et puis bah après je sais pas, ça, tout va dépendre des opportunités qui se présenteront, peut-être aussi sur les années 80 dans le deuxième semestre. On planche sur des projets avec certains partenaires. Donc je pense que après de toute façon Etise le podcast sera de la partie. En tout cas je vous le proposerai avec grand plaisir. C'est gentil. Voilà, donc on va actualité qui s'annonce quand même toujours chargée. Ouais, assez chargé. Parce un côté un peu hyperactif, toujours avoir besoin d'être occupé, Eric, j'ai l'impression quand même. Oui, il faudrait que j'ai un clone, ou alors que je me rajoute 24 heures à mes journées. C'est là ou l'autre. Donc en super pouvoir, pourquoi tu me dis voler ? Créer un clone. Voilà. Et oui, c'est vrai. Ou alors, non, avoir une deuxième paire de bras, éventuellement, dans le pire des cas. Actualité chargée. Chargée parce qu'il y a des choses parfois qui viennent se greffer au projet qu'on est en train de mettre en place et que ça oblige à décaler ou à accélérer le rythme. Donc, on est jamais sûr à 100% que ça se passe comme on l'a prévu techniquement avec autant de temps qu'on veut. Puis il y a toujours des impondérables avec des éléments qui peuvent pas se joindre aux expositions, aux événements. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que c'est parfois pas évident. Hein. C'est une question de planning et d'organisation. Voilà. Et puis, anticiper toujours. Eh bien, écoute, Eric, merci de ta participation à ce numéro d'ITIS et vous. Merci à toi, de ta collaboration, surtout sur cette saison d'ITIS le podcast. Ça a été un grand plaisir et je ne manquerai pas de répondre à l'appel si. Si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Donc, les gens n'auront appris plus sur toi que par les dessins et les illustrations, ce qui est toujours intéressant de redécouvrir un peu l'envers du décor. Donc, on remercie également Sébastien Vergne, donc le gérant du Don Camillo, permis d'enregistrer cette émission dans ce magnifique lieu. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur notre site itislepodcast.fr, sur Deezer, sur Bad Geek, sur plein de flux partout. Nous sommes partout, c'est ça. Donc vous n'avez plus d'excuses, vous êtes obligés de nous écouter. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itisez-vous ou pour un nouveau numéro tout simplement. À très bientôt. Merci encore Eric. Merci Frédéric, merci à l'équipe de Itis le podcast et merci aux auditeurs. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Money for nothing, chicks for free. Money, money, money for. Easy money, easy checks for free. Easy money.